Quartier de l'Arlequin, deuxième séquence, AR2. Trajet de la galerie à la coursive qui dessert les appartements. Thank you. à Disney. Elle me voit tout le temps, plus ou moins. Bonjour.